The better part of the man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book. L'heure des oiseaux. Un bien joli titre pour une histoire tout en clair-obscur, celle d'une fille qui part sur les traces de l'enfance de son père dans un orphelinat à Jersey. En remontant le fil de l'histoire paternelle, elle découvrira de sombres histoires de maltraitance et de non-dits, mais également des étincelles d'innocence et des amitiés incongrues. Un titre poétique qui reflète également très bien l'ambiance de ce roman, habité par la nature, loin de n'être qu'un simple décor. Chez Mozzimono, c'est presque un personnage à part entière, une entité vivante, mouvante et émotionnelle. Pour cet ouvrage publié aux éditions de l'Observatoire, l'écrivaine et éditrice a remporté une mention spéciale de l'IUPL, prix de littérature de l'Union européenne, qui vise à soutenir et mettre en lumière des voix contemporaines de la littérature européenne. Donc, vous l'aurez compris, l'occasion d'un échange autour de l'écriture, de l'inspiration et de ce que représente le fait d'obtenir une mention spéciale d'un prix qui dépasse les frontières. Mozzimono, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture et également à l'édition, puisque vous êtes par ailleurs également éditrice? Alors, c'est pas très original. Moi, j'ai fait une thèse en histoire de l'édition. Et donc, j'ai commencé à rédiger pour cette thèse beaucoup pendant 3 années. Et une partie de cette thèse concernait un éditeur qui s'appelait Robert McElmon, qui était le premier éditeur de Hemingway et de Gertrude Stein. Et j'ai eu envie d'en faire un roman. Donc, c'est grâce à un autre éditeur, en fait, que je suis venue vraiment à l'écriture pure. Et en écrivant ce roman, qui était quand même une biographie avant tout, romancée certes, mais au plus près de sa vie réelle, j'ai eu la frustration de... J'ai beaucoup aimé écrire sur lui, mais j'ai eu la frustration de ne pas pouvoir partir dans tous les chemins qui me venaient en tête. Et de là, m'est venue l'idée d'écrire un vrai premier roman qui s'appelait L'Enfant Céleste, avant l'heure des oiseaux. D'accord, donc c'est votre troisième roman, enfin, troisième livre, mais deuxième, oui. L'heure des oiseaux, et votre deuxième vrai, entre guillemets, roman. Exactement. Et comment travaillez-vous justement un texte? Vous disiez, voilà, il y avait ce côté un peu scolaire, entre guillemets, de la biographie. Est-ce que vous prenez beaucoup de notes, vous avez beaucoup de brouillons, des carnets? Comment ça se construit un roman pour vous? Alors, je déconseillerais à tous mes auteurs de faire comme je le fais, parce que moi, je fais des collages. En fait, je prends des notes en permanence, dans des cahiers, sur mon ordinateur, en marge des livres. Et ça fait une espèce de grand patchwork, comme ça. Donc, j'ai plein de feuilles volantes, reliées par thématique. Et ensuite, il faut que je les assemble et que je les déplie pour en faire un livre, un roman. Donc vous Mais avez... c'est vraiment un peu du bricolage. Il y a des gens qui réfléchissent très longtemps à leur livre, puis qui se mettent à leur table et qui écrivent. Mais moi, pas du tout. C'est vraiment en permanence, dans ma tête. Je me réveille la nuit pour écrire des petits morceaux. Je lis, ça me fait penser à quelque chose. Enfin, c'est vraiment un amalgame de plein de petites choses qui finissent par faire un livre. Donc, c'est un côté presque plastique. Votre méthode, elle est plus proche des arts plastiques que de... En tout cas, dans une pensée un peu arborescente, c'est-à-dire que quelque chose me fait penser à quelque chose et c'est sans fin. Et souvent, je pars sur un thème assez précis, mais ça finit par aller dans plein d'autres univers et histoires en parallèle. Vous laissez vraiment libre cours, en fait, à votre imagination, inspiration. Vous n'avez pas forcément de structure au départ prédéfinie. Je sais à peu près où je vais aller, mais ensuite, c'est vraiment sur ces histoires secondaires qui émaillent finalement tous mes livres, qui sont inspirés de l'histoire, comme dans L'Enfant Céleste, par exemple, pour Tycho Brahe, donc l'astronomie, ou dans L'Heure des Oiseaux, l'histoire de cette ermite dont je parle était vraiment inattendue. Donc, ce sont un peu comme des cadeaux, des hasards, des découvertes au fil de mes recherches qui viennent nourrir les romans et leur donner, voilà, une nouvelle couleur. Oui, cette tonalité qui est un peu entre le roman, dans ce roman, on est un peu dans le roman noir, le roman familial. Il y a un côté très fort, un lien très fort au conte. Je ne sais pas si, oui, ça fait partie de vos inspirations, mais il y a ce côté très onirique. Oui, bien sûr, je suis très sensible aux contes, aux légendes. Je pense que ça vient de mon enfance à la campagne, en fait. Je trouve que ça dit beaucoup de la société, de nous, et que ça permet aussi d'équilibrer des choses assez sombres Pour les enfants dont je parle, souvent c'est une source d'évasion et d'apaisement. Et il y a justement, on disait, une certaine noirceur dans ce roman, et en même temps, en contrepoids, un émerveillement très fort. Comment est-ce que vous avez réussi à doser pour garder cet équilibre entre les deux tonalités En fait, j'ai voulu vraiment écrire L'heure des oiseaux comme le pendant un peu noir de L'enfant céleste. Les deux livres se passent dans une île et parlent de l'enfance et de la nature. Mais autant dans L'enfant céleste, c'était une île bénéfique, une île thaumaturge, un paradis sur terre. Là, à Jersey, pour l'histoire qu'il y a dans cet orphelinat, hein, qui est centrale dans mon roman, évidemment, je ne pouvais pas le traiter de façon aussi bien apaisée et souriante. J'avais envie de montrer que les îles, ça peut être aussi une prison. Et pour le cas d'un orphelinat, une prison dans une prison. Mais ça reste une île merveilleuse, avec aussi pour ces enfants qui ont subi vraiment des choses atroces, des moments en effet où ils ont pu être en contact avec la nature, où j'imagine que ça a pu leur apporter quelque chose, en tout cas une douceur. Et puis j'ai voulu parler de l'entraide. Je pense qu'au pire moment de la vie des gens, j'espère en tout cas que pour ces enfants ça a été le cas, il peut y avoir par la grâce des rencontres d'autres enfants ou de quelques adultes qui quand même ont été mieux que les autres, quelque chose qui nous permette d'avancer, de vivre malgré tout. Et justement, ce rapport très fort à la nature et à l'enfance, hein, vous venez de dire sur vos deux romans, d'où vient-il chez vous ? Pourquoi cette exploration en particulier ? Est-ce qu'il y a une volonté autour d'une œuvre chez vous autour de ces thématiques, ou est-ce que ça s'est fait Alors la nature, c'est assez clair parce que j'ai été élevée dans une région vraiment très sauvage qui est le Morvan jusqu'à mon adolescence, et que en vivant en ville pour mes études et mon travail, c'est vraiment la chose qui me manque le plus. Enfin, c'est très commun de dire ça, mais je pense que l'écriture de la nature me permet chaque nuit, en étant chez moi, au cœur d'une immense ville, de retrouver par ce biais-là quand même une atmosphère, des paysages que j'aime. Et puis, par goût personnel, comme éditrice et comme lectrice, j'ai vraiment, vraiment plaisir, et de plus en plus, à lire des textes de nature writing, des textes qui se passent soit au bord de la mer, dans des îles paradisiaques, ou en pleine montagne, dans le pôle Nord, ou des endroits un peu extrêmes comme ça. Et l'enfance, c'est relié à ça, justement, à votre aussi, votre... En fait, c'est interdépendant. Oui, alors c'est plus un hasard, mais pas tant que ça. Je suis en train de creuser dans mon nouveau livre cette thématique, parce qu'il se trouve que le Morvan, ça a été la plus grande terre d'accueil des enfants orphelins en France pendant plus d'un siècle. Ils ont accueilli 250 000 orphelins dans cette région qui est minuscule et très dépeuplée. Et je crois que quand même, ça m'a marqué. Il en reste quelque chose. Par ailleurs, c'était déjà dans le cas dans mon premier livre qui ne parlait pas d'enfants, mais d'un éditeur qui avait été vraiment mis de côté. Je crois que j'ai peu de goût pour les gagnants dans les histoires, dans les livres, et que donner la voix à ces enfants qui toujours sont quand même des enfants à la marge, qui sont forcément de maltraitance dans L'enfant céleste, mais qui sont des enfants particuliers et qu'on n'entend pas, enfin qui se sentent en tout cas privés d'une voix. C'était vraiment un plaisir de leur donner par le biais de ces livres-là une voix. Et L'heure des oiseaux, donc, qui est paru aux éditions de l'Observatoire, est-ce qu'il y a un élément déclencheur au niveau de l'actualité ? Parce qu'à la fin, vous citez certaines sources, sans pour autant que ce soit un roman 100% collé à la réalité. Qu'est-ce qui a déclenché cette écriture et cette thématique ? En fait, quand je faisais mes recherches pour L'enfant céleste sur les îles, je lisais énormément de livres, soit de géographie, soit d'histoire, soit de grands écrivains voyageurs sur les îles, et de presse aussi. Et un jour, je suis tombée sur l'histoire des orphelins de Jersey. C'est une histoire qui date de 2008, et j'ai été effarée de me dire que c'est à 20 km des côtes françaises et que j'en avais pas entendu parler. De fait, il y avait eu des articles dans la presse, mais enfin voilà, comme des articles qui passent comme ça, qui durent une journée et puis dont on ne parle plus jamais après. Et ça m'a vraiment secouée de me dire que c'avait été une double peine pour ces orphelins qui avaient vraiment subi des choses atroces dans l'après-guerre et puis qui ensuite avaient enfin eu un procès, mais qui avaient été totalement phagocytés, qu'on leur avait confisqué leur réparation aussi de la parole. Et je trouvais ça vraiment aberrant de ne pas, moi, en avoir entendu parler et que personne autour de moi ne connaisse cette histoire. Voilà, donc ça avait été vraiment le point de départ de l'heure des oiseaux. Je m'étais dit que c'était... je me suis sentie un peu comme une mission à ma modeste mesure, mais... Je me suis dit que c'était pas possible qu'on n'en entende plus jamais parler. Et donner de la voix à ces personnes un peu laissées de côté ou que l'on entend moins que d'autres, est-ce que vous considérez que ça peut en tout cas faire partie des fonctions ou des rôles à la fois d'un écrivain, enfin d'une écrivaine, et à la fois d'une éditrice? Est-ce que ça se rejoint pour vous Oui. En tout cas, comme éditrice, dans les choix de livres que je fais, j'aime vraiment avec passion, alors c'est pas forcément des livres de réparation, mais ça, des livres qui explicitent, par exemple, des parties très peu connues de la grande histoire, ou des personnages qui... on fait des choses assez extraordinaires et dont on n'a pas entendu parler. Enfin, j'aime beaucoup que les livres puissent apporter leur pierre à l'histoire. On sait très bien que l'histoire, elle est toujours en train de se faire et qu'elle est constituée des recherches des gens. Et les auteurs, les écrivains, il me semble qu'ils ont cette fonction-là aussi. Ce n'est pas du tout une nécessité. On peut tout à fait écrire de façon décorrélée de la réalité. Mais moi, j'aime beaucoup quand ça donne un éclairage différent sur quelque chose qu'on semblait tous connaître très bien. Oui, que ce ne soit pas pour autant du documentaire ou de la non-fiction, mais que la littérature contribue et puisse en plus amener des lecteurs, lectrices qui liront pas de livres d'histoire ou documentaire à justement prendre conscience d'une certaine réalité qu'ils ignoraient. Je trouve que c'est un complément très enrichissant et que c'est une manière très très agréable d'apprendre des choses aussi. Et de quelle manière est-ce que votre casquette ou métier, je ne sais pas le terme le plus approprié, d'écrivaine, nourrit et enrichit celle d'éditrice et inversement? Alors, pour moi, il y a vraiment deux mondes très séparés. D'abord parce que dans la temporalité de ma journée, j'écris le matin très tôt, je me lève vraiment à l'aube et j'écris jusqu'à 7 heures du matin et ensuite, ma journée, elle est dédiée à ma famille, à mon travail. Donc vraiment, c'est systématique. Jamais j'écris dans la journée et je n'en parle pas et je n'y pense. Si quand je suis en vacances ou au week-end, mais sinon pendant la journée, vraiment, je m'occupe que de mes auteurs et de mon travail. Et j'ai l'impression, moi, que je publie des choses qui sont très loin de mon univers, en tout cas dans le style. Mais au fond, je me rends compte de plus en plus, enfin, les années passant, que tout ça est assez harmonieux. Il y a des auteurs qui m'envoient leurs manuscrits parce qu'ils ont lu mes livres, ou des auteurs que j'ai plaisir, moi, à publier parce que j'ai conscience de la qualité de leur travail. Parce que je me sentirais incapable d'écrire la même chose. Enfin, il y a des résonances comme ça et des choses et des hasards aussi de rencontres assez jolies. Donc finalement, sans que je le sache, je pense que ça se nourrit l'un l'autre de façon très discrète, mais tout de même, il y a une cohérence. Oui, une unité qui où vous vous retrouvez en tout cas entre les deux. Et cette méthode dont vous parlez, on va dire, ou mode d'écriture, ça me fait souvent penser au conseil des grands écrivains classiques qu'on a pu lire et découvrir au collège, lycée, et tenter d'appliquer maladroitement pour certains et certaines. Vous, comment est-ce que est venue en fait cette discipline, parce que c'est presque une discipline quand même des... Oui, c'est une discipline qui est venue parce que après le premier livre, donc sur l'éditeur Robert McCallum, j'ai eu envie d'écrire et j'avais pas le temps. Donc je me suis mis à réveil au départ. On parle toujours d'une chambre à soi pour Virginia Woolf, mais en fait il faut un moment à soi. Je crois que c'est surtout ça la vraie question quand on a une vie active et une famille. Et donc mon endroit à moi, ça a été la nuit. Et au fur et à mesure, enfin très très vite, au bout de quelques semaines, j'ai plus eu besoin de mettre de réveil parce que c'était un vrai plaisir d'être comme ça, toute seule au cœur de la nuit, de retrouver. C'est vraiment comme un jardin secret. Quand j'étais enfant, un de mes livres préférés, racontait l'histoire d'une petite fille chez une tante, je crois, en vacances, qui tous les jours à minuit ouvrait la porte du jardin, l'horloge sonnait et elle rentrait dans un endroit secret, un jardin qui s'ouvrait que à minuit, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça quand j'écris. Donc c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Et j'imagine que c'est un peu comme les sportifs qui développent une forme d'addiction. Alors c'est pas tout à fait ça parce que je peux tout à fait être quelques jours sans écrire. Mais j'ai un vrai, oui, c'est ça, une vraie discipline qui s'est faite un peu malgré moi et que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est presque l'écriture qui, petit à petit, a imposé, avec votre total agrément, consentement, imposé sa voilà. discipline dans votre vie. En tout cas, voilà, je le fais sans que ça soit difficile, c'est très agréable, et puis j'aime bien. Enfin, c'est vraiment un moment que pour moi, c'est une bonne manière de commencer la journée. Et au niveau de vos inspirations, alors plus de manière générale, au niveau de votre écriture, quelles sont-elles, quelles seraient les figures, que ce soit des écrivains, écrivaines ou autres, qui vous nourrissent, qui voilà, vous portent Il y a une écrivaine dont on a beaucoup parlé cette année, parce que c'était l'anniversaire de sa naissance, c'est Colette. Oui. Et ça, c'est évident. Alors, d'abord, parce qu'elle est de ma région, c'était une partie de ma thèse et que je la connais très bien, mais parce qu'il n'y a personne qui parle aussi bien des fleurs et des émotions, des souvenirs d'enfance par rapport à cette nature. Donc, elle a vraiment été très précieuse. En écrivain français, évidemment, des gens comme Camus, Giono, Genevoix ont été très inspirants. Mais je lis beaucoup, beaucoup de littérature étrangère. Des gens comme Iris Deluca, de la littérature québécoise, j'adore la littérature scandinave. Et donc, on en parlait tout à l'heure, mais vraiment les gens qui parlent de grands espaces, il y a ces traditions-là dans certains pays, et j'ai beaucoup, beaucoup de... Voilà, ce sont des sources vraiment inépuisables d'inspiration. Et pourquoi, par rapport à cette littérature des grands espaces qui est, en tout cas dans l'esprit commun, très américaine, on la retrouve également dans la littérature scandinave de fait, quand on vu que la nature est comme ça, comment ça se fait selon vous qu'en France, on ne travaille pas plus ce lien à la nature et qu'on reste un peu plus dans le côté urbain, le côté introspection urbaine Alors, j'ai pas tellement d'explications pour ce qui est de l'écriture, enfin de la motivation des écrivains. Alors, on a quand même des gens comme Serge Joncourt, Marie-Hélène Lafon, etc., qui écrivent vraiment sur la campagne, mais enfin, c'est pas vraiment des grands récits, ou alors des écrivains voyageurs. Mais on n'a pas, en effet, tout à fait l'équivalent de la littérature américaine ou scandinave. Je pense que le retour à la nature, en tout cas qu'on voit en ce moment dans la société, a été très tardif pour les Français. Ça s'explique aussi par le côté de la polarisation pour le travail des grandes villes, et sans doute aussi de fait dans le choix ensuite des textes par des éditeurs qui sont pour la plupart, en tout cas dans les grandes maisons, à Paris, eux-mêmes des citadins et qui n'ont peut-être pas une aussi grande appétence que certains éditeurs québécois ou scandinaves pour les histoires de nature. Mais ça change là, on sent qu'il y a une bascule, que petit à petit, il y a en tout cas une nouvelle génération d'écrivains qui, sans doute inspirés par cette littérature aussi étrangère, commencent à écrire aussi sur les grands espaces. Et avec beaucoup de succès, et on voit qu'il y a un lectorat pour... donc je pense que c'est un grand mouvement là qui est en train de se développer. C'est vrai que là, depuis, peut-être, c'est peut-être un des effets positifs du Covid, mais on voit de plus en plus, et surtout chez des éditeurs indépendants, mais des textes liés au sauvage, ou qui vont prendre place dans des décors plus ruraux, avec ce côté voyage, éventuellement tout quitter pour une nouvelle vie, etc. Oui, vous l'avez noté, c'est pas seulement une tendance éditoriale, c'est vraiment un mouvement qui s'amorce. Oui, oui, j'ai l'impression que ça correspond avec un mouvement de société. C'est normal, hein, en général, les thématiques, en tout cas, dans l'édition, les grandes thématiques suivent aussi le mouvement de la société. Alors après, il y a des gens qui écrivent de façon totalement coupée de ce qui se passe et c'est totalement atemporel. Mais quand même, il y a des tendances et moi, ça me plaît beaucoup qu'il y ait cette tendance-là en ce moment. Oui, c'est assez logique vu vos thématiques et vos goûts d'écriture. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'IUPL, donc le prix de littérature de l'Union européenne. Vous avez remporté une mention spéciale cette année. Qu'est-ce que cela vous a apporté pour le moment, de manière très, très concrète ? Alors, très concrète, déjà, il y a eu le moment de la remise du prix qui permettait de rencontrer 13 auteurs d'autres pays, leurs éditeurs, les équipes du prix. Et ça, c'était vraiment incroyable. Enfin, je suis très franco-française, je ne dis pas de littérature étrangère, je ne voyage pas énormément et je n'avais jamais eu comme ça la chance de rencontrer des gens de toute l'Europe à la fois, avec tout ce qu'ils peuvent apporter en diversité d'approche de l'écriture, de l'édition, leur manière de s'exprimer. Et vraiment, j'étais fascinée. Enfin, j'ai passé 3 jours en immersion et c'était un vrai bonheur. Et je continue d'échanger avec certains. Donc ça, c'est vraiment déjà une première chose, ces rencontres humaines et d'autres littératures d'autres pays. Et puis ensuite, ça donne évidemment une visibilité quand même sur le moment. Et puis, on continue de m'en parler. Donc ça, c'est très intéressant pour la suite de l'écriture. Et évidemment, mais bon, c'est encore c'est le début. Ça, d'un point de vue tout à fait professionnel, pour la maison d'édition pour laquelle je travaille, ça leur permet de relancer le livre et d'envisager de nouvelles traductions ou en tout cas de reparler du livre. Et il y aura encore d'autres rencontres entre les écrivains finalistes du prix lors de salons à l'automne, donc et tout au long de l'année. Enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose dont je mesure pas encore tout à fait la portée parce que c'est que le début, mais en tout cas c'est très très intéressant. Est-ce que vous avez eu donc des propositions de traduction dans certaines langues européennes ou pas encore Il n'y a rien qui est finalisé, mais il y a eu déjà des choses qui sont en cours. Oui. Ouais, donc c'est vraiment, ça prolonge, parce qu'on sait malheureusement que parfois la vie d'un livre en France sur les tables des librairies est assez courte, bien la sûr. Durée de vie. Et là, en fait, ça prolonge vraiment auprès de publics divers en oui, plus. Oui, c'est vraiment une grande chance de redonner une visibilité à un texte, en effet, qui, quand il est sorti depuis plus de 6 mois, à part le fait de passer en poche, en fait... Oui. Et condamné à finir par être retiré des librairies comme tous les autres livres en grand format. Oui, c'est effectivement, ça ouvre des perspectives en plus, c'est à plusieurs niveaux. C'est une source d'inspiration de parler avec les gens d'autres pays. Enfin, moi, comme éditrice aussi, j'ai trouvé ça très très intéressant d'avoir leur vision. Vous avez rencontré tous les autres donc lauréats et lauréates de cette édition et ça va à nouveau se produire sur les prochains mois. Voilà, dans plusieurs rencontres. Oui, ça crée vraiment une dynamique européenne autour des personnes, mais également des textes et de l'écriture. Et pour finir, sur quoi donc vous avez mentionné rapidement le fait d'écrire un nouveau roman. Donc sur quoi travaillez-vous ? Qu'est-ce que vous savez à peu près quand il va être terminé ? Alors je suis censée le rendre dans un an. Bon. Et donc ça sera sans doute, j'espère, si tout va bien pour janvier 2025. Ça paraît loin, mais en fait, ça va aller être vite là. Et je parle de ma région cette fois-ci, après être partie dans des endroits vraiment exotiques, en Scandinavie ou à Jersey. Là, je vais parler du Morvan et revenir vraiment sur un aspect beaucoup plus historique, à la fois de ces 250 000 orphelins dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi des nourrices morvandelles qui venaient nourrir les petits Parisiens. Il y avait, je crois, une femme sur deux qui, dès qu'elle était en âge d'allaiter, allée à Paris, donc était retirée à sa famille et au pays. Donc c'est quand même, ce double mouvement est très troublant. Et je veux parler d'un de ces 250 000 orphelins qui était Jean Genet aussi, qui a vécu là pendant 13 ans et de la manière dont ça a irradié dans son œuvre sans qu'on s'en rende compte. C'est un livre qui parlera beaucoup de botanique. Ah, donc, je lis beaucoup sur les fleurs en ce moment. Donc, toujours aux éditions de l'Observatoire Toujours aux éditions de l'Observatoire. Bon. Et j'ai déjà un titre, je crois que ça ne bougera pas, donc je peux en parler, ça s'appellera L'île intérieure. Oh, c'est beau, donc à nous, oui. Ça prolonge, c'est un peu une sorte de trilogie que vous... Exactement, et normalement, ça devrait être la fin de cette trilogie. Finalement, il y aura un lien entre ces 3 livres qui sera fait dans ce dernier tome. Bon, rendez-vous pris pour la rentrée de janvier 2025, donc. Merci beaucoup.